Le cycliste s'est avancé dans le passage étroit. Sur le principe, ce panneau indique que la priorité est accordée à la voiture rouge. Mais ce n'est pas parce que l'on a la priorité qu'il faut en abuser. Le cycliste aurait dû s'arrêter pour laisser passer la voiture rouge, mais ce n'est pas une raison pour avancer et le frôler. Par mesure de prudence et de courtoisie, le conducteur de la voiture rouge laisse passer le cycliste. De toutes les manières, cela ne lui coûtera guère plus de 3 secondes. Il est inutile de klaxonner, ce n'est pas un cas de danger immédiat, et cela n'apprendra rien de plus au cycliste. Réponse B.